R-I-G. Oh, l'anarchie, c'est vachement toujours donné que nous. R-I-G 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four, numéro, ben écoutez, ça dépendra, c'est ce que j'ai appelé moi, dans mon jargon à moi, le home recording number 6, puisque c'est ma sixième saga enregistrée à la maison, dans mes chiffres à moi. Bref, ça importe peu, c'est enregistré à un moment donné de 2015, et elle paraîtra sur RIG, la radio des Beatles, je ne sais pas encore quand, allez savoir, un jour où je ne serai pas présent et donc où vous pourrez commenter sur Facebook ou sur Maca Club, mais et peut-être avec moi d'ailleurs, mais je ne serai pas à la radio. Bref, l'album de la semaine, c'est l'album Let It Be Naked, sorti en 2003 par les Beatles. C'était en fait, si vous voulez, le projet d'origine, celui qu'aurait voulu au départ McCartney et les autres, et puis finalement ça s'est passé autrement. Et puis, comme Paul, quand il a une idée en tête, il la garde, et il a réussi avec les ayants droit et puis Ringo qui est toujours d'accord a finalement nous proposé en bonus l'album tel qu'il aurait pu être s'il y avait eu moins de problèmes à cette époque là. Bref, on écoutera One After 99, Get Back, The Long and Winding Road, Don't Let Me Down, For You Blue, I've Got a Feeling aussi. Il y aura du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr, comme par exemple Teddy Boy sur le premier album de McCartney qui s'appelle McCartney. Il y aura Do The Oz, c'est un 45 tours, une phase B je crois, sorti en 70, mais et vous la retrouverez sur l'album ressorti en 2010 du Plastic Ono Band, sorti aussi en 70, mais à l'époque ça ne figurait pas sur l'album. Bref, je me comprends, prenez des notes. Et pour Harrison, ce sera Art of Dying sur l'album All Things Must Pass, décidément un minerai de pépites, de superbes chansons cet album-là. Et pour Ringo Starr, Sentimental Journey sur le même album Sentimental Journey, tout en 70. Tiens, c'est bizarre, ça commence en 70. Et bien, on commence cette saga enregistrée avec la première chanson, One After 909, sur l'album qui s'appelle Let It Be Naked. Bonne soirée à vous tous, messieurs, dames. Pick up my bags, run to the station.

Harrison en 1970, une chanson que j'adore, j'adore cet album et je pense que Jean-Philippe certainement doit être aux anges en écoutant cette chanson-là parce que George Harrison c'est son chouchou. Moi le mien c'est Paul McCartney, ensuite il y a George Harrison, ensuite il y a John Lennon, enfin il y a Ringo Starr. Et puis l'ensemble ça forme les Beatles et j'aime les Beatles. Et puisqu'on parle de Ringo Starr, le voici lui aussi en 1970 alors qu'on ne l'y attendait pas du tout. Il a beaucoup travaillé, il a travaillé sur l'album de Lennon, sur l'album d'Harrison et il a fait deux albums lui. En 1970. Le premier s'appelle Sentimental Journey, qu'il a fait soi-disant avec des reprises des années 20, 30, 40 pour faire plaisir à sa maman, et ça lui va très très bien à Ringo Starr de chanter ce genre de chansons. Et le deuxième album, la même année, ce sera un album country, très bien aussi, qui colle parfaitement à la voix de Ringo Starr. Voici la chanson qui a donné son nom à l'album, Sentimental Journey, sur RG, dans la saga enregistrée des Fab Four. Set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart would be so yearning. Why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey. Let's go now. Merci Ringo. Il est temps de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine étant Let It Be Naked, sorti en 2003. Je vous propose la chanson Get Back. Paul a expliqué que Get Back était à l'origine une chanson engagée et les maquettes montrent qu'il voulait au départ brocarder ceux qui pensaient que les immigrants vivant en Angleterre devaient être expulsés du pays. Chanter du point de vue de quelqu'un qui ne peut pas supporter que les étrangers viennent voler le travail des gens, elle leur enjoignait de rentrer chez eux, Get Back. Mais la satire aurait trop facilement pu être mal comprise. Des années plus tard, Paul répondait aux questions des journalistes. Ce texte n'était pas raciste, il était antiraciste. Si un groupe n'était pas raciste, c'était bien les Beatles. Tous nos musiciens favoris étaient noirs. Lorsque la chanson fut enregistrée, les paroles avaient été réécrites et parlaient de Jojo de Tucson, Arizona. Linda Eastman avait vécu un temps à Tucson. Et de Loretta Martin, qui pensait qu'elle était une femme, mais qui n'était qu'un homme. Thought she was a woman, but she was another man. Le texte ne développait aucune histoire et le refrain Get Back avait été conservé parce que c'était un rock. On supposa que le retour en question était un retour aux sources. Et la publicité qu'Apple fit dans les journaux pour l'album, dont le slogan était « Les Beatles comme la nature les a voulu », sembla confirmer cette hypothèse. Get Back est le nouveau 45 tours des Beatles, expliqua-t-elle, le premier morceau live des Beatles en cette ère électronique et aucun machin électronique n'a été utilisé. Get Back est l'eau pure de la source rock. C'était ça le projet de l'album Let It Be, enfin l'album qui deviendra Let It Be. C'était de ne faire que ce que eux quatre pouvaient faire en studio en une seule fois. C'était ça l'idée. Et c'est ce vers quoi on est revenu avec l'album Let It Be Naked, à peu près on va dire. Get Back se vendit à plus de 2 millions d'exemplaires et remporta un succès mondial. La chanson se classa en tête des charts en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Allemagne et aussi en France. La voici cette chanson Get Back sur RIG. So sorry if there's no one left at home. Et ça se termine comme ça, parce qu'après on passe sur la chanson d'après. Mais McCartney, dans les années 70, avait cette capacité extraordinaire. Bon, c'était dans l'air du temps, mais il savait très très bien le faire, d'assembler deux chansons avec des... enfin, plutôt deux rythmes complètement différents dans une même chanson, et avec bonheur. Cette chanson, Uncle Albert's and Earl Arsley, pas facile à dire, date de l'album Ram en 1971. Revenons en 1968, et John Lennon qui parle de Dear Prudence sur RIG. Si c'était la fin d'une autre chanson, tiens. De la chanson était Prudence Farrow, la sœur cadette de l'actrice américaine Mia Farrow, qui suivait le même enseignement que les Beatles en Inde. La chanson était une supplique qui lui était adressée afin qu'elle sorte de ses trop longues périodes de méditation pour se détendre et rester avec le reste du groupe. À la fin de la maquette de Dear Prudence, John continue de jouer de la guitare et dit « Personne ne devait se douter qu'un jour ou l'autre, elle se déchaînerait sous la supervision du Maharishi Mahesh Yogi. tous les gens présents s'inquiétaient pour elle parce qu'elle devenait folle. Alors, nous avons chanté pour elle. Plus tard, John expliqua que Prudence était devenue un peu dingue. Elle était restée enfermée 3 semaines dans sa chambre pour méditer et rencontrer Dieu plus vite que les autres. Prudence dément être devenue folle, mais elle reconnaît qu'elle était à l'époque plus fanatique que les Beatles en ce qui concerne la méditation. Je méditais depuis 1966. Je pensais déjà venir à Rishikesh en 67, alors que quand j'ai pu faire le voyage, ça a été comme un rêve devenu réalité, explique-t-elle. Le fait d'être là était pour moi plus important que tout le reste du monde. J'avais la ferme intention de méditer autant que possible afin d'acquérir une expérience suffisante pour pouvoir l'enseigner moi-même. La chanson que John a écrite disait juste « Sors un peu et viens t'amuser avec nous, sors de ta chambre et viens passer un bon moment ». C'est d'ailleurs ce qu'elle finit par faire et elle a appris à bien connaître les Beatles. Les participants se retrouvaient en petits groupes de discussion après les leçons et le Maharashi lui fit intégrer celui de John et George, pensant que ce serait bon pour elle. Nous parlions de ce que nous voulions et de ce que nous vivions, raconte-t-elle. Nous remettions en question la réalité, nous nous interrogions sur nos identités et sur tout ce qui se passait. Je les aimais bien et je crois qu'ils m'aimaient bien aussi. Bien que la chanson ait été écrite en Inde et que Prudence ait souvent entendu les Beatles, Mike Love et Donovan jouer là-bas, John ne lui joua jamais Dear Prudence. C'est George qui m'en a parlé, se souvient-elle, vers la fin. Juste avant qu'ils ne partent, il m'a dit qu'ils avaient écrit une chanson sur moi, mais je ne l'ai entendu qu'à la sortie de l'album et j'en suis très flatté. Ah, ça doit faire plaisir d'avoir une chanson écrite par les Beatles sur soi. Voici John Lennon, quelques années après l'album Blanc, en fait en 1973 sur l'album Mind Games, et cette chanson You Are Here sur RIG dans cette saga enregistrée. Thank you. chanson d'amour évidemment adressée à Yoko Ono, mais bon, pas grave, on va pas lui en vouloir à John Lennon. C'était sur l'album Mind Games en 1973. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine avec cette chanson-là, la pierre de Discord. On dit la pierre ou la pomme de la Discord ? Je ne sais plus. Ou vous me le direz certainement sur Facebook ou sur macaclub.com. Donc, le problème, un des gros problèmes en tout cas de l'album Let It Be pour Paul McCartney, un des trucs qui a fait déborder le vase quoi, pour Paul, c'est la chanson Let It Be. Il voulait une chanson épurée avec le truc le plus simple possible. Et puis, Phil Spector en a fait une chanson avec des chœurs féminins, avec des cordes, avec un truc symphonique absolument superbe. Entre nous, mais loin du projet que voulait Paul McCartney. Eh bien, il s'est rattrapé, Paul. Voici la version qu'il souhaitait probablement en 1969, au moment de l'enregistrement. Il a réussi à la sortir en 2003 sur l'album Let It Be Naked, sur RG. The long and winding road that leads to your disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. l'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des femmes fortes. Nous sommes en 1969 sur l'album Abbey Road et Paul voulait que sa voix soit à vif sur Oh Darling. Alors il l'a chanté des dizaines de fois chaque jour de la semaine avant de l'enregistrer. Je voulais que ma voix donne l'impression que je chantais sur scène depuis une semaine, déclara-t-il. Inspiré par les ballades rock de la fin des années 50, Oh Darling était une chanson sans prétention qui suppliait l'aimé de rester en échange d'une adoration éternelle. John n'a jamais apprécié la performance vocale de Paul, il a eu tort entre nous, et pensait que lui aurait fait mieux. Peut-être. C'était plus dans mon style, dit-il. Oui, c'est vrai que le gars qui gueule, c'est plus John. Quoique, on peut mettre des nuances. Voici John, d'ailleurs, dans une très très belle chanson, bien triste, mais superbe. En 1974, sur l'album Walls and Bridges, voici Nobody Loves You When You're Down and Out. Personne ne t'aime quand tu es complètement en bas, le moral en bas. Et à la fin, il dit tout le monde t'aime quand tu es six pieds sous terre. Bon, ça donne des frissons, mais c'est très très beau. Écoutez. Nobody loves you when you're down and out.

face B du 45 tours Say Say Say en 1983, Paul McCartney. Et en voici une autre, encore plus rare, récemment, je vais dire, donnée par Paul McCartney à ses fans. Voici Love My Baby, ça date de 74 et ça n'était resté inédit que jusqu'à il y a très peu de temps. Well, now I love my baby, talk about it, I don't care, but I wanna shout it. Love my baby, and that's good enough for me. Yeah, well, I love my baby, and I wanna shout. I don't know what she's talking about, but I love my baby, and it's good enough for me. Well, love her in the evening time, love her in the night. Love her in the morning when the moon is big and bright. That's right, now love my baby, wanna shout. Oh, don't know what she's talking about. I love my baby, that's good enough for me. Bam, bam, bam, bam. I said the bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Well, I love my baby, that's good enough for me. Ouais, c'est ce que je trouve fabuleux chez Paul McCartney. Il est capable de se glisser dans tous les genres, dans tous les styles, et toujours avec bonheur. Cette belle chanson qu'on pourrait mettre, vous savez, lorsque vous voulez endormir votre petit bébé. D'ailleurs, c'était pour ça, hein, c'est pour ça qu'il avait enregistré la chanson. Eh bien, vous mettez ça, l'homme à bébé, et puis le bébé s'endort. On revient à l'album de la semaine. L'album s'appelle Let It Be Naked. Il est sorti en 2003, et voici un autre titre. Une chanson que John a écrite évidemment pour Yoko. Il avait peur qu'elle le lâche, qu'elle le laisse tomber. Et le titre du morceau, c'est Don't Let Me Down, ne me laisse pas tomber. Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. Nobody ever really done me. She done me. She done me good. We'll be right back. très très belle chanson des Beatles, évidemment. Retournons, c'est la première fois de la saga, mais vous savez qu'à la 17e chanson, c'est le moment de la cover. Et la cover, c'est une chanson soit que les Beatles ou les Fab Four ont chantée, reprise par d'autres, même peut-être par vous, pourquoi pas, si vous m'envoyez les chansons, ou alors une chanson que les Beatles ont reprise, genre par exemple pour Chuck Berry ou Little Richard, et donc ça s'appelle la cover. Et la cover s'appelle Give Me Love. Le titre complet de la chanson, c'est Give Me Love, Give Me Peace on Earth. C'est Billy Preston qui a fait un mini-album de 3 ou 4 chansons, dont celle-ci qui est évidemment en hommage à George Harrison, qui l'a chanté en 1973 sur l'album Living in a Material World. Voici la version de Billy Preston sur RIG. Touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, won't you please, please, please take hold of my hand. Oh yes, that I might understand. Give me hope, help me cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord. Understand you, won't you please, oh won't you give me love, give me peace on earth, give me life, keep me free from birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, won't you please take hold of my hand. Oh yes, that I might understand you. Trying to touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, won't you please take hold of my hand. Oh yes, that I might understand you. Won't you please, oh won't you sacrément belle chanson, hein, belle version en tout cas, de Billy Preston, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, de son compas George Harrison. Je vous rappelle que cette saga est enregistrée, mais que vous pouvez la commenter sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, ou sur Maca Club, toujours dans le groupe La Saga des Fab Four, au moment où vous l'entendrez, bien évidemment. Parce que je ne sais pas, au moment où je l'enregistre, je ne sais pas quand elle sera diffusée. Et puisqu'on a écouté Give Me Love, Give Me Peace on Earth, eh bien, écoutons l'original. Voici George Harrison sur RIG. Life, keep me breathing, birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. It's all too much, my little child. if you would be my honey pie. 8 days a week you will be mine. I'm getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by. And if you do, please tell me why. I know you told me yesterday you've got to hide your love away. But if your heart is bad to me, it's only love I'll let it be. Like I said the night before, I love you when I'm 64. De Ringo Starr est vraiment très très bon. Cet extrait de Postcards from Paradise et le titre du morceau, ben c'est le même, Postcards from, from Paradise sur RIG, décidément. Ma langue fourche parfois. Voici Lady Madonna et ensuite il y aura For You Blue, toujours dans cette saga enregistrée des Fab Four. Lady Madonna.

incidental, we have met before. Let this be the time and place that we explore. With no hesitation, knocking at that door. Open up your heart to love forevermore. And I tell you it's a cold day in hell, but we remember that song that starts out, love me tender. And that king of hearts, when I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. Time and what time remains, while I have just tried to explain, flew by you. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer and it is real. I'll always be there beside you. When I walk with you, when I talk, en 2010 sur l'album Why Not que Ringo Starr a invité Paul McCartney à pousser la chansonnette avec lui, et c'est bien, j'aimerais bien qu'il fasse ça régulièrement et qu'on les voit d'ailleurs sur scène, ce serait vraiment vraiment vraiment du bonheur qu'on les voit sur scène ensemble. Voilà, on revient en 1975 si vous le voulez bien, et je suis persuadé que vous le voulez bien, avec cette chanson Oh Baby You Know That I Love You. C'est George Harrison sur l'album Extra Texture Read All About It sur RG. Thank you. label, cette chanson. George avait gardé des chansons des Beatles sous son aile, dans ses tiroirs quelque part. Notamment par exemple une chanson qui avait été composée, je crois, aux alentours de 1968. Et il l'a gardée jusqu'en 1982, l'air de rien. Et il l'a ressortie à ce moment-là sur son album Gone Tropo. Il avait travaillé avec les Beatles, mais ça n'a pas eu l'air de leur plaire. Voici Circle sur RIG. Someone change your mind. Side of a swine. So you go round and round in circles. He who knows does not speak. He who speaks does not know. And I go round in circles. Like some woman will not bend. Later they may become your best friend. It's like it goes around in circles. Our date, life and death along the road, soul reincarnates, the show goes round and round in circles. When loss and gain and up and down comes the same, then wisdom gone in circles. Round. melting polar ice. Ocean levels rising, better not think twice. Meat free Monday, it's a fun day, and it's happening all around the world. Meat free Monday, it's a fun day, and it's happening all around the world. Think of too much livestock warming up the land. Gotta think of answers, gotta have a plan. Think about the future, how the world will be. If we don't do something, we face calamity. Meat-free Monday, it's a fun day, and it's happening all around the world. Chacun fait comme il veut, hein. Meat Free Monday, lui, il voudrait qu'on ne mange pas de viande le lundi. Et là-dessus, je le suis pas. Moi, je mange de la viande si ça me fait plaisir. Et chacun fait comme il veut. Si vous voulez ne pas manger de viande, si vous voulez faire ce que vous voulez, je ne vous oblige à rien. Et ma carnelle non plus ne m'obligera jamais. Mais ce petit truc exprès, là, comme ça, qu'il a fait, ben, je trouve ça sympathique. C'est ce que Paul McCartney peut faire comme ça, juste pour s'amuser, sans chercher à vendre d'ailleurs le titre, hein, juste comme ça pour rigoler. Et c'est sympa. Meat Free Monday par Paul McCartney. C'était un cadeau. On retrouve une dernière fois l'album de la semaine. L'album, c'est Let It Be Naked. Et le titre, c'est I've Got a Feeling, sur RIG, dans la saga enregistrée. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.

Sean, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Michael Onorato me fait penser que j'ai peut-être oublié de parler de Lovely Rita. Alors si je l'ai fait avant, mais je crois pas, ça fera deux fois. Sinon, Lovely Rita, rappelez-vous, pour une fois je le dis en fin d'émission, c'est la responsable du Beatles Magazine, le magazine que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur bien d'autres plateformes. Elle vous renseigne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an et 366 quand l'année est bissextile. Sur les Beatles, sur ce que font John, Paul, Ringo, George, leurs amis, et également les animateurs qui font des émissions sur les Beatles. Vous saurez tout en rejoignant le Beatles Magazine. Thank you, Lovely Rita. Dans le sang, qu'est-ce que vous voulez? Rock Island Line, c'est sur l'album de Ringo Starr qui s'appelle Ringo 2012, qui n'est pas son meilleur album. On était un petit peu déçus, mais il y a quand même de bonnes chansons, comme celle-ci par exemple, que vous venez d'entendre à l'instant. On termine l'émission sur un bon rock and roll tiré de l'album Rock and Roll de John Lennon en 1975 et le titre du morceau Slippin' and Sliding sur RIG. Mmh. Et oui, même quand c'est enregistré, il y a une fin. Donc, a priori, d'après mes calculs, je pense qu'Eric va être content puisque je dois terminer à peu près à l'heure. Tu es là, Eric ? Ok, allez, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four enregistrée. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à une prochaine fois. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Salut, ciao.